sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne à Bolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, à l'ombre des centrales nucléaires, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Christine Diger. Au départ de cette série, il y a de vieux mensonges, des histoires de nuages aux trajectoires stupéfiantes et des catastrophes meurtrières. Il y a des sols, des fruits, des animaux, des humains et des champignons contaminés. Il y a des mots qui font froid dans le dos, uranium, radium, césium. Et ces questions, comment vivre avec la menace, travailler au cœur du réacteur et croire les promesses que l'on sait intenables. Et cette idée que le plus dur parfois, c'est de reconnaître que l'on a fait le mauvais choix. Et faire face au vertige de déchets nocifs pendant des centaines de millions d'années et que l'on va léguer comme un cadeau empoisonné. Alors pour commencer, les personnages. Des communicants qui ne doivent pas rigoler tous les jours, des consultants, un physicien tenace, des chercheurs, des auteurs de fiction dépassés par le réel et les Indiens d'Amérique. Ensuite le décor, des fosses remplies de déchets toxiques, des fûts éventrés, l'intérieur d'une centrale, du béton fissuré, des mythes, des sites oubliés, la poussière sous le tapis, pas l'ombre d'une solution et le mythe de l'excellence française. Aujourd'hui, quatrième épisode, il va y avoir de l'orage. L'histoire de l'industrialisation a bien montré l'effacement de la responsabilité des entreprises une fois l'exploitation terminée. Quand les exploitants du nucléaire et leurs actionnaires passeront à une autre industrie, plus rentable, les sites nucléaires et les déchets resteront à la charge de la puissance publique pendant des millénaires. Des poubelles radioactives pour l'éternité. Pour donner un ordre de grandeur, c'est entre 6 et 7 tonnes de plutonium. Il faut moins de 10 kg pour faire une bombe. Et pour tuer quelqu'un, il suffit... Vous savez, il y a un débat scientifique, c'est 10 millionièmes de grammes ou 100 millionièmes de grammes inhalés. Michael Schneider. Donc c'est une matière extrêmement radiotoxique. Et on a créé une machine où il y en a 7 tonnes. Et pour les avoir, il faut faire fonctionner des réacteurs ordinaires, des réacteurs dont on a 58 actuellement en France. Et puis on utilise les installations de La Hague pour séparer le plutonium des combustibles usés. C'était ça l'idée de départ. Et bon, il se trouvait que la machine Super Phénix n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu des incidents, des accidents, il y a eu des arrêts prolongés. C'est une machine qui a battu tous les records négatifs de productivité et de production d'électricité. Donc c'était un échec de la machine, mais avant tout, c'était un échec du système plutonium. C'est-à-dire on voyait que c'était d'une complexité inouïe de faire fonctionner l'ensemble de la chaîne de ces installations. Il faut les séparer, les transporter, les stocker, les manipuler, créer de nouveaux combustibles, le réintégrer dans des centrales. Tout ça, ça prend du temps. Et le facteur temps faisait partie des raisons pourquoi ce système a échoué. We want you to know that this is not a place for you to live in. You should stay away from this place, and then you will be safe. Pour ce qui concerne les déchets français, ils sont entreposés de façon stable et durable sur le site de La Hague. Gwenaël Thomas. En attendant la mise en service de la solution de stockage définitive, c'est le projet Cigéo à Bure. Donc nous, on les entrepose de façon stable et durable, et ils ont vocation à ne pas rester sur le site de La Hague, mais à rejoindre le site de stockage définitif. Sylvain Renouf. Aux alentours de 13 000 containers de déchets vitrifiés sur le site de La Hague qui sont entreposés. Donc il y a une distinction qui est claire dans la loi qui permet de distinguer l'entreposage qui est provisoire sur le site de La Hague et puis le stockage final qui sera fait par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Dès le début, le nucléaire civil a été développé sur la base de trois arguments qui étaient présentés comme trois vérités. Le premier, c'est que c'est une énergie propre. Deuxième, c'est une énergie sûre. Et troisième, c'est une énergie bon marché. Bernard Laponche. Et voilà pourquoi dans les années 60 et 70, ça s'est développé de façon très importante et surtout sous l'impulsion américaine. Et après, en France, avec cet énorme programme électronucléaire qui fait de la France le champion incontesté de la production d'électricité d'origine nucléaire. Et en fait, l'histoire a prouvé que, un, dès le début, c'était pas propre, puisque ça produit des déchets radioactifs quand ça fonctionne normalement. C'est-à-dire c'est pas du tout accidentel. On produit des déchets radioactifs qui sont très dangereux et pendant des milliers d'années. Donc on a un problème d'environnement, de santé, très très important. Deuxièmement, c'est pas sûr. Sûr, ça voulait dire qu'il n'y avait jamais d'accident. En fait, il y a eu des accidents, y compris sur des réacteurs tout à fait semblables aux réacteurs français. Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Three Mile Island et Fukushima étant des réacteurs tout à fait semblables aux réacteurs français. Et donc, maintenant, la doctrine, c'est que l'accident nucléaire majeur est possible en France, ce qui est tout à fait différent de ce qu'on disait au début. Et troisièmement, c'est une énergie pas chère. Ça a été vrai pendant une certaine période. Et maintenant, la production d'électricité à partir du nucléaire devient de plus en plus chère et ne présente plus d'intérêt économique. Et ce qui se passe actuellement au niveau mondial, c'est que la prise de conscience, y compris dans les milieux industriels, de cette réalité, fait que les programmes nucléaires ont été ralentis, souvent très vite, en particulier aux États-Unis, et qu'actuellement, le nucléaire, depuis un certain nombre d'années, est devenu de moins en moins important en proportion. Je crois que le maximum a été atteint en 1996, où le nucléaire représentait 18% de la production mondiale d'électricité, et actuellement on est à 10%. C'est-à-dire que la part du nucléaire est relativement faible, et quand on parle de nucléaire, en fait, on parle beaucoup plus des risques et des dangers que de l'importance que ça a dans la fourniture d'électricité au monde. This repository should last at least 100,000 years. 100,000 years. Il y a des substances radioactives relâchées par l'usine de La Hague qui ont des durées de vie de plus longtemps. Par exemple, l'iode 129 a une demi-vie de 16 millions d'années. Donc pour moi, ce sont des durées qui sont des éternités. Il y a vraiment les deux volets. Le démantèlement de l'usine en tant que telle et la reprise et conditionnement des déchets issus de l'exploitation de l'usine en question. Donc il y a un programme majeur qui a déjà démarré sur le site de La Hague. 4 milliards d'euros ont été provisionnés. On en est à peu près à 26% d'avancement sur le programme global. On a eu une activité représentant 165 millions d'euros en 2016 sur la partie démantèlement, reprise et conditionnement des déchets anciens. L'état final visé, c'est de pouvoir rentrer dans ces installations en tenue civile. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de démantèlement, donc ça va prendre plusieurs dizaines d'années, hein. Et in fine, l'objectif, c'est de pouvoir rentrer dans ces installations en tenue civile. La Hague et Marcoule, ne sont pas des centrales nucléaires. Hein. Ce sont des installations qui traitent le combustible usé, une opération extrêmement polluante. Toutes les nappes phréatiques qui sont sous les sites nucléaires, toutes sont polluées par la radioactivité des installations nucléaires. Toutes ont eu des incidents. Or, ces rejets dans les nappes phréatiques sont interdits. Roland Desbordes. Ce sont des installations qui sont autorisées à rejeter dans l'environnement, légalement, hein, autant que toutes les centrales nucléaires du monde. Et il n'est pas légitime, aujourd'hui, en 2017, d'autoriser de rejeter dans l'air, dans l'eau, sur les sols, des produits que l'on sait être cancérigènes et mutagènes. C'est pour ça que nous sommes choqués que le nucléaire soit hors les principes généraux de protection de l'environnement. Vous n'avez pas le droit, quand vous êtes détenteur d'un déchet chimique toxique, de le diluer dans l'environnement. C'est une règle aujourd'hui établie. Là, les exploitants, eh bien, ils ont l'autorisation de le faire. Autrefois, on s'est beaucoup mobilisé pour arrêter de les balancer en mer, les déchets radioactifs. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais on les rejette dans l'air et dans l'eau qui va à la mer. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup progressé. Quand il s'agit d'émetteurs alpha, ils sont particulièrement dangereux quand ils sont intégrés à l'organisme, c'est-à-dire soit par ingestion, soit par inhalation. On a pendant très longtemps sous-estimé l'effet interne au corps de la radioactivité. Et tout ce qu'on mesure avec des compteurs GGR est une irradiation. Si on intègre les particules radioactives dans le corps, il y a une permanence d'exposition du corps. Le tritium qui est relâché en très très grande quantité à l'usine de La Hague, c'est de l'ordre de 1000 fois supérieur à la centrale de Flamanville. Donc supérieur à ce qui est autorisé comme émission. Ça montre par ailleurs qu'on fait les limitations par rapport aux besoins de rejet et non pas par rapport au calcul de protection de l'homme. Parce que pourquoi on aurait sinon une limitation qui est 1000 fois inférieure sur un autre site qui a 15 km de distance ? Voilà, accès en zone autorisée, on peut rentrer. Donc c'est à partir de combien que je dois m'inquiéter ? En fait, ce que vous avez ici est un équipement, ce n'est pas un équipement de mesure. On va dire qu'en rentrant dans l'installation, je l'ai réglé sur un seuil alerte. Mais le seuil alerte, évidemment, l'objectif c'est de ne se retrouver à aucun moment en danger. Donc il va rester à zéro, donc, même s'il y a beaucoup de... En sortie de zone, nous pourrons le mettre, et nous le mettrons dans une borne, et nous lirons la dose intégrée pendant notre visite. Voilà. There has been two world wars during the last 100 years. The world above ground is unstable. Les premiers déchets nucléaires dans la région, ça a été dans la mer. Ce qu'on appelle la fosse des Casquets. Didier Angers. C'est une fosse qui fait entre 100 et 200 mètres de profondeur, qui est à quelques dizaines de mètres au large de la presqu'île de La Hague, un peu au nord de l'Aldonnay, les îles anglo-normandes. Les Anglais venaient immerger leurs déchets radioactifs, et ceux de la Belgique d'ailleurs. Mais à l'origine, on ne le savait pas. C'était en complète catimini. Et un jour, Cousteau, qui nous a beaucoup aidés d'ailleurs, très mobilisé par Marcoule et par l'usine de La Hague dans les années 70, m'a dit, attention, attention, vous avez là dans les casquets, et il m'avait montré des photos de fûts éventrés, parce que quand on a des fûts genre bidon d'essence, bidon de fuel, etc., à 100 mètres ou 200 mètres de profondeur, ils explosent les fûts en question, ça se disperse. Donc ça a contribué à disperser la radioactivité artificielle dans la mer de la Manche jusqu'en mer du Nord. Donc la France avait imaginé la même chose, mais pas ici, d'envoyer ces déchets dans la mer Méditerranée. We have to find a permanent solution. Personne n'en voulait des déchets. En France, il n'y a que Bure où le lobby a réussi à prendre un terrain. Et quand on a un terrain, eh bien, on l'entoure de grillages, on met des flics, etc. Et on cherche à l'étendre par la suite. À partir du moment où on a de la radioactivité dans la nature qui n'est pas clôturée, qui n'est pas sous contrôle, il y a un problème. C'est aussi simple que ça. Et quand il s'agit de radioisotopes comme le plutonium, qui est radiotoxique dans des quantités infimes, on a un gros problème, quelles que soient les quantités. Pour moi, l'acceptation du risque d'une usine comme la Hague est totalement inacceptable. Primo, les gens ne se rendent pas compte à quoi ça correspond en réalité. Et deuxièmement, même à l'intérieur de l'industrie nucléaire, c'est devenu une absurdité extraordinaire. Ça fait plus de 20 ans que les matières qu'on sépare des combustibles dits usés ou irradiés ont une valeur comptable zéro. On dépense des centaines de millions, si ce n'est des milliards, pour séparer des substances qui n'ont pas de valeur comptable. Dites-moi une autre industrie où c'est pensable. Moi, j'en connais pas. Pire, si cette matière-là, vous voulez la vendre sur le marché, ces matières-là ont une valeur négative. C'est-à-dire, il faut payer quelqu'un pour les prendre. Dès le début, à la limite, on pouvait supposer que il n'y aurait pas d'accident. C'était suffisamment surveillé, bien construit, etc. Ça s'est avéré faux, mais admettons qu'on ait pensé qu'un réacteur, ça pouvait fonctionner sans drame. Mais dès le début, il y avait les déchets. Alors, on ne s'en est pas préoccupé. On a construit des réacteurs en disant, bon, écoutez, les déchets, on trouvera une solution. Puis, on commençait à s'inquiéter quelle pouvait être cette solution. Alors d'abord, on a dit, pas de problème, on les met dans les grandes fosses marines. Puis quand même, il y a des gens qui sont aperçus, et en particulier Greenpeace a eu un rôle important dans cette affaire, que les bidons dans les fosses marines, ça finit par se corroder et que donc il y aurait de la radioactivité qui se promènerait. Donc on a arrêté les fosses marines. Après on a dit, bon, on pourrait les mettre dans l'Antarctique parce qu'on les met dans la glace, puis comme ils sont très chauds, ils vont creuser et puis s'enfoncer. Mais l'Antarctique, il y a une couche rocheuse en dessous, donc ça allait traverser, puis après ça allait couler. Donc on n'a pas fait l'Antarctique. Et la dernière idée géniale, ça a été de dire, bon, puisqu'on peut les mettre ni dans la mer, ni dans l'air, ni dans l'Antarctique, on va les mettre dans la croûte terrestre. You are now in the tunnel. This place is not a place of honor. What is there is dangerous and repulsive. Please turn around and never come back. There is nothing here for you. Qu'est-ce qui est de particulier concernant les déchets radioactifs de l'industrie nucléaire, et c'est bien la notion du temps. Et vous savez, il y a aujourd'hui des universités aux États-Unis qui ont des options de recherche qui ne font que réfléchir comment on va transmettre l'information sur la nature d'un stockage pour des générations dans 100 000 ans. Est-ce qu'on va faire des pyramides ou est-ce qu'on va faire des espèces de signes qui resteront lisibles pour l'éternité? Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que on est allé chercher les Indiens d'Amérique, les indigènes, parce qu'on s'est rendu compte que leur capacité de transmettre des mythes et du savoir par voie orale dépasse toutes les ordres de grandeur de temps qu'on connaît pour transmettre du savoir à travers les millénaires. Nous nous trouvons actuellement dans un sas de sortie de zone. Avant de quitter cette zone, toute personne doit contrôler la propreté radiologique de ses mains, de ses chaussures et de sa tenue. L'objectif, c'est de monter sur cet équipement avec les pieds sur les emplacements, les mains de chaque côté, et puis l'appareil va nous dire si c'est OK ou pas. Ça ressemble à une balance, comme un pèse-personne. Il s'appelle Sirius et il est orange fluo. Et l'appareil vient donc d'indiquer qu'il n'y avait pas de contamination. Vous allez pouvoir lire sur la première ligne la dose intégrée pendant notre passage dans le bâtiment. La dose est exprimée en microsieverts. Vous allez circuler dans des installations nucléaires. Vous sortez avec une dose de 0,0 microsievert. So we are storing the waste today above ground in water pools. Concernant les déchets, on a créé par le nucléaire des éléments radioactifs à durée de vie courte, moyenne et longue. Et la nature fait qu'on ne peut pas s'en débarrasser. On n'a pas de moyens simples, économiques, socialement utiles, etc., de faire baisser la radioactivité ou de la supprimer. Elle est là. La seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui, solution, c'est de faire un grand trou, de les mettre dedans puis de les oublier. Mais on sait très bien que Bure, dans la mémoire collective, n'existera plus dans quelques centaines d'années. La mémoire collective est de l'ordre de 800 ans. On sait qu'on va oublier. L'oubli est toujours une mauvaise solution. On est en train de dire aux générations futures, celles de nos petits-enfants, de nos petits-enfants, pour nos 50 ans de confort, on vous laisse quelque chose dont on sait que vous ne pourrez probablement pas le gérer. Démerdez-vous. Once upon a time, man conquered the entire world. And so he built a burial chamber deep in the bowels of the earth, a hiding place for the fire to burn into eternity. Un autre site, le LWIP, il y a eu un incendie dans le stockage qui contient du plutonium. Comment est-ce que c'est possible qu'il peut y avoir un feu? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les enseignements sur des stockages futurs? Vous imaginez, ça fait quelques années d'exploitation et nous on parle de l'éternité. Puis il ne faut jamais oublier que ces sites-là sont de fait des sites de déchets mixtes, à savoir ils sont à la fois industriels et radioactifs. Par exemple, le centre de stockage de la Manche, qui est juste à côté de l'usine dite de retraitement, c'est un nom assez remarquable, hein, l'usine de retraitement, alors que le nom à l'origine, c'était usine de plutonium, c'est beaucoup plus précis. Donc le centre de stockage de la Manche, juste à côté, c'est la plus grande mine de plomb de France, par les déchets qu'on y a enfouis, bourrés de métaux lourds et d'autres substances chimiquement toxiques. Il y a des réactions chimiques qui peuvent avoir lieu, il y a des fuites, la couverture était endommagée en l'espace de quelques années, elle a déjà été réparée, on a eu des fuites souterraines, etc. Donc c'est une histoire assez mauvaise pour un début. On va arrêter une dizaine de minutes, je pense que je sors, je peux faire. Merci beaucoup. Yeah. le projet CIGEO, ça c'est la folie, on va stocker tous les déchets de haute activité français. Donc des kilomètres de galeries, des kilomètres d'alvéoles. On prend les déchets dans des colis, on les laisse refroidir à la Hague, mettons un demi-siècle au moins, puis on les amène là. On vérifie que la qualité du colis est très bonne, ce qui peut, d'ailleurs s'il n'est pas bon, on ne sait pas très bien ce qu'on fera. On les enfouit. La durée de l'enfouissement, c'est au moins un siècle. Donc pendant un siècle, vous creusez votre énorme truc souterrain avec des tunnels partout et des alvéoles. Vous enfournez vos trucs dans les alvéoles. Et puis au bout de, disons, 120 ans, quand vous avez tout chargé, vous rebouchez. Et terminé. Alors, premièrement, il y a deux problèmes posés par cette question. Un, le projet tel qu'il est conçu est-il valide? Et la deuxième question, c'est est-ce que le principe de l'enfouissement en profondeur est acceptable? La première, l'analyse du projet, c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'incertitudes sur la possibilité qu'il y ait des accidents, ne serait-ce que dans la période de chargement, en particulier la question de la ventilation. Parce que vous avez parmi ces colis de déchets qui sont prévus, il y en a qui émettent de l'hydrogène. Et l'hydrogène, si sa teneur augmente, ça peut faire des explosions. Donc il faut des ventilations colossales qui viennent de la surface. Et si la ventilation s'arrête, réponse, elle ne s'arrêtera pas. Bon, pendant une durée supérieure à un siècle. Mais quand même, elle pourrait s'arrêter 8 jours. Comment pouvoir prétendre que pendant un siècle, il n'y aura pas une panne d'électricité dans ce coin là-bas, soit parce qu'il y a une tempête de neige qui bloque tout, soit parce que les diesels, on ne peut plus approvisionner. Non, ça ne se passera pas. Et tout est comme ça. Donc Bertrand Thuillet a fait une analyse très détaillée des accidents possibles, les incendies. Les incendies, réponse, nous travaillons beaucoup avec les pompiers, mais je vous jure, c'est ahurissant. Et donc ce projet, même en disant qu'on va faire en souterrain, ce projet est mauvais. Et ce qu'il faudrait faire, toujours dans cette optique, il faudrait faire un pilote industriel. Alors moi j'ai fait des réunions et cet argument est très fort auprès des gens, de dire mais attendez, on veut faire d'un coup les pyramides d'Égypte, quoi. On n'en a jamais fait. Et d'un coup il y a un mec qui dit, non. Mais même les Égyptiens, ils ont commencé à faire des petites pyramides. Et puis, et là non. Donc il faudrait faire un pilote en vraie grandeur, avec quelques alvéoles, quelques galeries, le tester avec des vrais colis, et le faire pendant une centaine d'années, justement, pour voir si les alvéoles restent droites ou elles se déforment, l'argile... Non, il faut faire tout ça. Donc il y a une analyse du projet, il y a une liste d'accidents possibles, sur laquelle la réponse est non, on a tout calculé, tout va bien. Donc ça, c'est l'aspect qualité de ce projet. Pour vous montrer jusqu'où va le ridicule et l'arrogance, c'est qu'il y a une planche de PowerPoint de l'ANDRA qui dit « L'ANDRA doit démontrer la sûreté de ce projet pendant 1 million d'années. » Ça suffit. Pour moi, cette phrase suffit pour montrer à quel point ces gens sont des malades mentaux. Et je ne vous parle pas de Flamanville, les piscines de Flamanville, et surtout pas des piscines de La Hague, parce que La Hague est le site qui concentre le plus de radioactivité au monde. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres. Les piscines de Fukushima 4, c'était 135 tonnes de combustible. À La Hague, il y en a 10 000. Moi, je ne comprends pas l'industrie nucléaire en France, je ne comprends pas les autorités, je ne comprends pas à quel point on laisse dégrader la situation. La situation financière des entreprises est telle qu'ils économisent à tous les étages, à tous les coins, sur tous les postes, sur tous les départements. Et on commence déjà à avoir des faits qui sont catastrophiques. Et je ne pense pas qu'il faut être spécialiste pour ça. Une entreprise comme Areva, qui est en faillite, s'il n'y avait pas la promesse d'injection de fonds frais du gouvernement français, cette entreprise-là aurait dû déclarer sa faillite. Donc ça, ça a des conséquences sur la sûreté. Même s'il y a très peu d'eau qui circule très très lentement dans cette couche d'argile, Michel Talek. L'eau va quand même circuler. Donc au bout d'un certain temps, très long, cette eau va faire se propager les éléments radioactifs. Mais on parle de dizaines, de centaines, de milliers d'années. Hein. Quand je dis ça, ce n'est pas dans les 10 ans qui viennent. Donc ça, c'est un des scénarios qu'on regarde. Et on regarde comment donc ces éléments radioactifs vont arriver jusqu'à l'homme et l'environnement en étant conduits par cette eau. Encore une fois, dans des dizaines, centaines de milliers d'années. If we cannot rely on markers and archives, how will you know? Did your parents tell you stories about the fire in the burial chamber, deep in the bowels of the earth? The chamber you must always remember to forget. Les autres scénarios qu'on regarde, c'est que se passerait-il si un être humain faisait un forage au milieu de cette installation de stockage ? Et on en évalue les conséquences pour voir si elle reste acceptable pour l'homme et pour l'environnement. Si quelqu'un avait l'idée de creuser pour aller chercher ces déchets très radioactifs ? Alors, creuser pour aller les chercher, ça paraît peu probable, parce qu'au-delà de la période de réversibilité, on n'imagine pas bien que les gens creusent pour aller chercher, c'est plutôt creuser pour une autre raison, simplement parce qu'on n'a pas la mémoire du stockage. Donc toutes les études qu'on mène, toutes les dispositions qu'on prend, visent à éviter justement qu'il y ait des conséquences si ce genre de scénario s'avérait. Donc ça veut dire que le site va être signalisé pour les millions d'années à venir. Alors, c'est effectivement un sujet auquel on travaille. On a à l'ENDRA un projet mémoire et qui là aussi fait beaucoup de conceptualisation parce que, par exemple, on ne peut pas se baser sur le fait que dans même des milliers d'années, l'écriture, le langage soient toujours les mêmes. Donc, il y a des réflexions en cours, des études en cours. Comment peut-on signaler ce stockage ? Est-ce que des choses très négatives, ce serait intéressant ? Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux le valoriser ? Enfin, il y a vraiment un projet fort intéressant, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Ten years, 20 years, 100 years, 1,000 years. You just can't guarantee stable conditions background for its nice. Il faut aussi tenir compte de l'éthos des scientifiques, l'ensemble d'habitudes et de normes qui définissent un métier, qui se constitue à partir de plusieurs sources. Référence monastique, le scientifique est un ascète totalement investi dans l'œuvre de la connaissance. Référence religieuse sécularisée, le scientifique se sacrifie et sacrifie les autres pour la plus grande œuvre de connaissance. Référence militaire, il est un soldat du savoir, mais aussi le soldat d'une armée et d'une nation. Référence mystique, le paradigme scientifique guide action ainsi que les jugements de valeur et disqualifie les questions non scientifiques. Référence genrée. Le chercheur n'est pas une femmelette embourbée dans les doutes, les hésitations et les discussions. Il y va sans se poser de questions, tel un somnambule phobique, selon l'expression d'Isabelle Stengers. Référence politique révolutionnaire. Le scientifique fait partie d'une élite qui combat l'opinion, toujours irrationnelle, confuse, changeante, et qui définit une oligarchie capable de remodeler la société tout entière. Tous ces aspects ont reçu avec la caste des nucléologues comme une amplification. C'est une question de concevoir des systèmes de stockage. Et le béton a une durée de vie très limitée. S'il n'est pas endommagé, 60 ans, 100 ans, finito. Et si vous avez du béton renforcé, ça veut dire qu'il y a du fer dedans. Vous savez, le fer qui est exposé à la corrosion, qu'est-ce qu'il fait ? Il rouille. Et la rouille prend de la place. Et c'est une mécanique de dégradation qui peut littéralement faire exploser le béton. We have to find a permanent solution. D'abord, démantèlement immédiat. On ne repousse pas ça dans le temps, ce que EDF essaye de faire avec la première génération de réacteurs, en proposant sérieusement de le repousser à 2100. Qui peut dire que c'est une façon respectueuse des générations futures de proposer quelque chose de pareil? Et puis, a priori, c'est le démantèlement immédiat, aujourd'hui, la philosophie. C'est très bien. Parce qu'il y a moins de pertes de connaissances, il y a des gens qui ont encore travaillé dans les installations qui connaissent. La deuxième chose, c'est de dire, une fois sous contrôle, toujours sous contrôle. D'ailleurs, il n'y a pas que les centrales nucléaires en France, des sites avec des substances radioactives, il y a plus d'un millier. Donc, si on prend que les anciennes mines d'uranium, parce qu'il y a eu plus de 200 mines d'uranium en France, ils ont légué entre 40 et 50 millions de tonnes de déchets. Je trouve ça toujours marrant quand on dit « Ah oui, c'est très faible, les déchets dans le système nucléaire. Ben, » ça commence par l'uranium qui crée des quantités de déchets absolument faramineuses. Et ça, c'est pas géré correctement aujourd'hui. C'est 40-50 millions de tonnes, il faut en faire quelque chose. Dans les années 90 à 2000, le CNRS a lancé un thème de recherche pour rechercher la centaine de décharges industrielles oubliées en France depuis la fin du 19e siècle. Jean-Marie Brome. Je me souviens d'un exemple, une fabrique de peinture au minium dans un petit village du Massif central qui a fermé parce que la famille est partie ou autre et qui a laissé des fûts de peinture au minium de la cour de la ferme et qui ont disparu après. On ne sait pas où c'est parti, c'était du déchet. Rappelez-vous, il n'y a qu'une dizaine d'années, à Lille, on creuse un parking souterrain et on trouve un dépôt de munitions de la guerre de 14 qui avait été oublié. Rappelez-vous, dans les années 70, dans la région parisienne, une école primaire où on découvre tout d'un coup un taux de cancer chez les enfants assez important, école construite sur une usine de traitement chimique de produits photographiques d'une marque américaine très connue à l'époque. L'usine était partie, on ne pensait pas à dépolluer le sol. Ben voilà ce qui s'est passé, on avait oublié. Nos 50 ans de confort électrique dû au nucléaire, qu'on peut bénir si on en a envie, induisent des conséquences qui vont être absolument faramineuses. Le principal problème, c'est l'arrivée d'eau, parce que les fûts vitrifiés, qui était la technologie retenue, Yves Lenoir, entre guillemets, le verre fond dans l'eau comme du sucre. Seulement, il met un peu plus de temps. Ce qu'on pouvait craindre, c'est des arrivées d'eau et qu'ensuite, l'eau entraîne la radioactivité dans le réseau hydrographique souterrain et puis qu'elle ressorte, on ne sait où. Et l'horizon temporel est extrêmement long, puisque le neptunium, qui est le produit ultime parmi les corps transuraniens qui sont dans les déchets, a une demi-vie radioactive de 21 millions d'années. Alors, quand on dit 100 000 ans, bon, c'est pour se dire qu'on peut encore y réfléchir. Les 21 millions d'années, avec la dérive des continents, vous ne savez même plus où ils sont. Je suis extrêmement inquiet aujourd'hui parce que j'ai situation notamment à La Hague sont littéralement catastrophiques. On a aujourd'hui des informations qu'à l'intérieur, ça se passe très mal. Les psychologues de travail sont débordés, le moral est à zéro. La direction avait quand même annoncé vouloir couper 500 postes sur 3000, c'est du jamais vu. Maintenant, la réalité sera peut-être 400, qui sait. Mais en tout cas, quelqu'un devra m'expliquer ce qu'ont fait ces 400 personnes hier, ce qui ne sera plus nécessaire demain. Tous ces gens-là, ils avaient un rôle à jouer. Et quel est ce rôle qui, demain, n'est plus nécessaire? Je pense que la pression économique et financière est telle qu'il faudrait vraiment des mesures extrêmement radicales et rapides pour complètement inverser la tendance. Et ça voudrait dire admettre qu'on s'est trompé sur un certain nombre de choses. Et la première chose sur laquelle on s'est complètement gouré, c'est le système plutonium, qui n'a plus aucun sens, aucune raison d'être, où on continue en moyenne 2 fois par semaine à transporter plus de 100 kilos de plutonium sur 1000 kilomètres sur la route publique. Excusez-moi, mais d'un côté, on est en état d'urgence, et de l'autre côté, on roule avec des camions l'équivalent de 200 bombes nucléaires. Pour prendre ce type de risque, il faut que le bénéfice soit extrêmement élevé, alors que le bénéfice est nul. Au contraire, l'usine de La Hague rejette la plupart de la radioactivité dans l'environnement de l'ensemble du système nucléaire en France, à une échelle sans parallèle, parce que ce n'est pas acceptable. Et si EDF n'apprend pas très vite, très très vite, de vendre autre chose que des kilowattheures, EDF va couler. Et là, on n'est plus dans l'ordre de grandeur de Areva, on est dans un ordre de grandeur au-delà. Et vous savez, à 37,4 milliards d'euros de dette, face à une clientèle qui est en train de s'effriter de façon considérable, hein, fin de 2016, EDF avait déjà perdu plus de 40% de ses commerciaux et industriels. Donc une clientèle qui est en baisse, les gens consomment moins d'électricité, avec des coûts de production qui augmentent. Expliquez-moi. On a un scénario, un seul. Comment est-ce qu'on repaye sa dette? La seule chose à vendre, c'est des actifs. Et vous voulez acheter une vieille centrale nucléaire, non? Bon marché en ce moment? Non. Les autres grands groupes, y compris Engie, Engie a complètement changé de stratégie, mais radicalement changé de stratégie. Engie, donc c'est ex-GDF, ex-Suez. Absolument, qui sous le nom Engie est vraiment en train de complètement virer vers autre chose. Et bon, il reste encore exploitant nucléaire. Hein. Ils sont propriétaires d'Electrabel, qui fait tourner tous les 7 réacteurs en Belgique. Mais c'est clair que la stratégie est engagée vers autre chose. Et c'est intéressant à quel point ces porteurs d'espoir, regardez la valeur de l'action EDF qui était fin 2007 vers 85 euros, aujourd'hui à 9 euros. Areva est tombé de plus de 80 euros à moins de 5 euros. C'est-à-dire c'est la destruction de capital à grande échelle. Qu'est-ce qu'a fait l'État? L'État a décidé d'injecter beaucoup d'argent, 4,5 milliards pour Areva, mais dans quoi? Dans la vieille stratégie. Je comprends très bien que c'est un peu compliqué de laisser aller à la faillite une entreprise comme Areva, voire EDF. Mais si on injecte des fonds, on injecte des fonds sur une stratégie changée et non pas sur le gros trou noir qui n'a rien donné. You will be safe if you stay away from it. Good luck. Les colis de haute activité, les colis de déchets vitrifiés, ils sont chauds. Donc avant de les descendre, on va les laisser attendre sur leur site de production, notamment à La Hague, jusqu'à l'horizon 2070-2080, donc c'est très long. Donc de façon à voir si nos concepts sont quand même correctement imaginés, on va faire ce qu'on appelle une zone HA0, haute activité 0, parce que ce sont des anciens colis de déchets vitrifiés qui ne sont pas chauds dès leur production, mais qu'on pourra descendre dès 2030-2035 pour faire des expérimentations sur ce type de colis, afin qu'en 2070-2080, quand on recevra tous les colis de déchets vitrifiés de La Hague, toujours si CIGEO est autorisé à le faire, les concepts soient totalement améliorés et totalement opérationnels. Si le site fonctionne bien, ce sera vers la fin du 21e siècle. Pour les colis de déchets de haute activité, oui. Donc là, on va rentrer à l'intérieur du site de Bure. On va descendre quand même à 500 mètres sous terre. Et un peu plus loin, on a creusé la galerie, on a mis ces cales compressibles et après quelques semaines, on est venu faire un coffrage. Un béton qui est très propre, hein. Ça, là on voit quelque chose de très fini, de très lisse, et qui résiste à la pression qu'on peut mesurer tout autour de nous. Mathieu Saint-Louis. des fissures. Il y a des fissures. Là, tu dois bien faire 80 cm de longueur, plus un mètre. Ce qui est tout à fait normal parce que ça bouge. Donc on a des mouvements et le béton étant très, très rigide, lui, il n'est pas flexible, donc il se casse. L'enfouissement en profondeur. Ce projet est mauvais. Alors, l'argument, c'est de dire, écoutez, on met en profondeur, dans des couches géologiques dont on peut vraiment affirmer que ça ne bougera pas, c'est très bien. Parce qu'un million d'années, qui peut dire quoi? Ces gens-là prétendent avoir tout prévu. L'histoire montre que c'est faux. Il peut y avoir des raisons que ça bouge, parce que la tectonique des plaques, les tremblements de terre, qui font qu'il y a des déformations de la roche et qu'il y a des infiltrations d'eau. Et donc, vous avez de l'eau qui se promène, qui est radioactive. Alors peut-être que ça prendrait plusieurs siècles, hein, ou même plus. Et tout d'un coup, on découvrira que, tiens, telle source, ah, il y a de la radioactivité. Ah ben oui, tu sais bien, il y a 300 ans, ils ont fait le projet machin, qu'ils ont enfoui des déchets. Et ça, c'est terrible. Donc pour moi, ce projet CIGEO est inacceptable sur son principe. Il ne faut pas le faire, point. On a tout plein d'expériences scientifiques, en particulier pour voir l'interaction des matériaux du stockage, dont tout le métal, le verre, le béton et la roche. Donc on a des forages dans lesquels on a mis, par exemple, du verre, des colis vitrifiés au contact de l'argilite, parfois dans des forages qui sont même chauffés pour reproduire les conditions qu'on va retrouver, pour vraiment finement comprendre les phénomènes qui vont se dérouler tout au long de la vie de CIGEO. Et ce qu'on mesure ici, ben en fait, ça nous permet de nourrir nos modèles et de faire des prévisions à très long terme. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas trop, en fait, ce que ça va donner à la longueur. Ben, si, parce qu'en fait, là, vous avez des expériences qui sont, pour certaines, courtes, d'autres qui sont un peu plus longues. On a certaines qui vont durer 30 ans ici. Et en fait, ces phénomènes qu'on enregistre, on peut ensuite les extrapoler. Évidemment, il faut faire un peu confiance en la science. Hein, si jamais on n'y croit pas du tout, ça ne sert à rien d'en parler. Mais ces données sont assez robustes pour que les modèles qui sont développés puissent, de façon assez confiante, donner des résultats sur des périodes plus ou moins longues. Cette idée de l'excellence française, hein, le nucléaire, un des fleurons de l'industrie française. Si on regarde sur le plan de l'ingénierie, peut-être, et encore, quand on voit la productivité des centrales françaises par rapport à d'autres, c'est pas aussi brillant que ça. Si on regarde les choix stratégiques, on s'est trompé quasiment partout. Flamanville, c'est un chantier que le monde entier regarde. C'est le chantier modèle de la renaissance du nucléaire dans le monde. Et c'est parce que le chantier de Flamanville avance dans de bonnes conditions et donne toutes les assurances d'aboutir dans les délais que j'ai pu prendre la décision, avec le Premier ministre et Christine Lagarde, de lancer le chantier d'un deuxième EPR en France. Les mines d'uranium, on les a exploitées quand l'uranium, il y en avait plein, et quand il était bon marché, etc. Maintenant, on n'en a plus, et il y a des problèmes politiques au Niger, il y a des problèmes... Le plus grand producteur, non, c'est le Kazakhstan. Enfin, c'est pas neutre, politiquement. L'enrichissement de l'uranium, on avait misé sur la diffusion gazeuse, la fameuse usine de Rodif, ce qui était la mauvaise stratégie, puisque la deuxième usine de Rodif est basée sur une autre technologie, les centrifuges, qui ont été développées par d'autres pays, et on a dû acheter la technologie à l'étranger. Les réacteurs, on a développé des graphites gaz, développés par le CEA. Ben, ma foi, à la fin des années 60, on s'est rendu compte que c'est le modèle de Westinghouse, les réacteurs à eau sous pression, qui allaient dominer les marchés dans le monde. Donc on a dû abandonner la filière nationale et on a construit sous licence Westinghouse jusqu'en 1984 ou 85. Il n'y a que 4 réacteurs qu'on a construits qui étaient français. C'est la filière N4, c'est Chaubet et c'est Civaux. Et leur histoire de construction est un désastre total. Ils ont mis entre 8 et plus de 10 ans à être construits. Civaux a tout de suite eu, après 6 mois, un accident extrêmement grave, avec une fuite dans le primaire très élevée. Donc pas vraiment un succès non plus. Superphénix, qui était le record négatif en productivité, et toute la filière plutonium, personne ne veut le faire aujourd'hui. EDF est le seul client d'Areva à La Hague, et tous les plans d'avoir des clients à travers le monde, etc., se sont envolés en fumée. Excellence française ? J'ai jamais très bien compris comment on définit ça. C'était « À l'ombre des centrales nucléaires, des poubelles radioactives pour l'éternité ». Avec Gwenaël Thomas et Sylvain Renouf, directeurs du service communication d'Areva La Hague, Mathieu Saint-Louis et Michel Talec de Landra à Bure pour le projet CIGEO, Michael Schneider, consultant expert international indépendant, Roland Desbordes, président de la CRIRAD, Bernard Laponche, physicien, Didier Angers, fondateur du CRILAN, Jean-Marie Braume, physicien, directeur de recherche au CNRS, Yves Lenoir, auteur de la Comédie atomique aux éditions La Découverte, texte lu par Nicolas Lambert, La condition nucléaire de Jean-Jacques Delfour aux éditions L'Échappée. Remerciements pour l'ensemble de la série, Élie Martinez, Serge et Monique, Simone Verung, Thierry et Nadine Ribaud, Paul Jobin, Françoise Baumann, Jérôme Bournet, André Guillemette, Elios Martinez et Tom McKenzie. Prise de son, Yann Frécy, Yvan Charby, Claude Niort, Valérie Lavalard, Clémence Bonfils, Benjamin Chauvin. Mixage, Catherine Dereté, réalisation, Christine Diger. Un documentaire de Lydia Benitzrak. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have is redemption songs. These songs of freedom. Redemption songs.